Matthieu chapitre 5, on est dans un des passages les plus connus de la Bible, qu'on appelle le sermon sur la montagne. Cette partie de la Bible qui est souvent mal comprise, selon ma façon de voir. Et c'est correct, si vous n'avez pas la même façon que moi de le voir, c'est correct, on a de la place aux nuances des fois. Et souvent, on va prendre ce passage-là pour encourager les chrétiens à vivre comme c'est marqué là. Et c'est correct qu'on veuille faire ce qui est marqué là. Mais je crois que ça n'a pas été écrit pour ça. Le but, c'était d'amener les gens à réaliser qu'ils avaient besoin de faire de quoi pour entrer dans le royaume des cieux. Et Jésus vient sur la terre et dit, je viens établir le royaume des cieux. Ça veut dire qu'il n'était pas là, le royaume des cieux. S'il avait été là, il n'aurait pas eu besoin de venir pour le faire. Donc, ça veut dire qu'au moment où Jésus est venu sur la terre, le ciel, les cieux, le ciel qui manifeste la présence de Dieu, qui montre que Dieu est là, Dieu ne régnait plus sur le monde. Dieu ne régnait plus sur le monde. Jésus dit, je viens pour rétablir le royaume des cieux. Je veux que maintenant, vous décidiez, vous autres les êtres humains, vous décidiez de mettre Dieu dans votre vie comme le roi de votre vie. Dieu n'a jamais forcé qui que ce soit, puis il ne forcera jamais qui que ce soit. Il va dire à plusieurs reprises dans la Bible, « Je mets devant toi la vie et la mort. Je mets devant toi la lumière et les ténèbres. Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisis toi-même ce que tu veux. » Mais quand tu vas l'avoir choisi, sois bien certain que je vais te le donner. Sois bien certain que je vais te le donner. Et quand Jésus est venu, c'était pas pour nous faciliter la vie. Il y a beaucoup de gens qui vont penser que Jésus est venu pour être le modèle. Un modèle pour nous autres, les êtres humains. Bon, vous garantir une chose. Dieu aurait pu envoyer un ange, ça aurait suffi. Ça aurait bien suffi. Un ange pour modèle, pour moi, ça aurait suffi. Pour vous autres, ça aurait-tu été assez haut comme standard de vivre comme un ange? Ben oui, ça aurait été assez haut, même encore trop haut. Mais il n'a pas envoyé un ange, c'est lui qui est venu. Il n'est pas venu comme modèle, il est venu comme sauveur. Quelqu'un qui va établir le royaume de Dieu, ou le royaume des cieux. Il veut ramener les gens vers Dieu. C'est pour ça qu'il va être un prédicateur de l'Évangile, un prédicateur de la repentance. Il va, pendant ces 3 ans, il va prêcher, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Il dit aux gens, revenez à Dieu, vous vous êtes éloignés de Dieu. Il veut établir le royaume des cieux. Comment faire ça maintenant? Comment aider les gens qu'il côtoyait à venir au royaume des cieux? Donc, il va faire comme tout un roi qui veut établir un royaume, il va donner ses règles, il va donner sa structure de royaume, comment il va fonctionner dans ce royaume-là. J'ai lu un livre à un moment donné que, quand vous écoutez les sermons que Jésus a fait pendant qu'il était sur la terre, quand vous les lisez, les écoutez, c'est un peu plus dur, vous les lisez. Quand vous les lisez, Jésus s'attaque presque tout le temps à des faussetés du peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël s'était égaré. Quand le peuple d'Israël croyait certaines choses qui n'étaient pas correctes, Jésus a mis un enseignement pour rétablir ça. Donc, il va rétablir les choses afin que les gens comprennent qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent pour entrer dans ce royaume-là. Parce qu'encore une fois, Jésus ne forcera jamais personne à entrer. Jamais personne. Jésus n'a jamais poussé personne. Il dit tout le temps, suivez-moi. Lui, il part. Là, il dit, suivez-moi. On a le choix, suivre ou pas suivre. Il ne se met pas en arrière pour nous faire dessus pour qu'on avance. Non, il nous dit, suivez-moi. Venez avec moi. Et on a vu ensemble que le roi va proclamer dans le chapitre 5, dans le chapitre 6 et dans le chapitre 7. Comment ça va fonctionner dans son royaume? Comment ça va agir? Comment les gens vont agir dans ce royaume-là? Afin que les gens réalisent qu'ils ont besoin de quelque chose, ils ont besoin de changer pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. La semaine passée, on a vu chapitre 5, verset 1. On a commencé jusqu'au verset 12, on n'a pas eu le temps tout à fait de terminer. On a vu ensemble une nouvelle façon d'être heureux. Une nouvelle façon d'être heureux. C'est marqué, vous avez vos Bibles devant vous, les versets 3 jusqu'à 11. C'est marqué heureux, heureux, heureux, heureux, heureux, heureux, heureux, heureux, heureux. Donc, il parle d'être heureux. Mais il donne des nouvelles façons d'être heureux. Le mot heureux, ici, c'est le mot béni. En anglais, on dit blessed, béni. Bienheureux. Celui qui va. C'est qui va avoir la bénédiction? Qui est-ce que Dieu va bénir? Qui est-ce que Dieu va admettre dans le royaume des cieux? Qui est-ce qui va goûter ce bonheur-là? Je vous ai dit que le mot dans le grec, c'est le mot makarios, qui veut dire le bonheur des dieux. Qui est-ce qui va goûter le bonheur des dieux? Les Juifs avaient une façon de voir. Les Juifs avaient une façon de. Il y avait une compréhension de qu'est-ce que Dieu veut faire pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Puis à plusieurs reprises, pendant que Jésus était sur la terre, vous allez voir des jeunes qui vont venir. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir le royaume des cieux? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Vous vous souvenez du jeune homme riche? Qu'est-ce que je dois faire? Vous vous souvenez du bon samaritain? Le bon samaritain. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Les gens avaient une idée dans leur tête, qu'est-ce qu'ils devaient faire pour que Dieu les accepte dans le royaume des cieux. C'était quoi votre idée à vous autres? C'était quoi votre idée à vous autres avant de connaître l'Évangile? Quelle était votre idée? Si vous étudiez les religions du monde, des fois on dit qu'il y a des milliers de religions. Non, il y en a juste deux. Ils ont différentes sortes de noms. Il y a juste deux religions dans le monde. Denise a juste ça safe. Hein? C'est qui a dit ça, là? Ah, Marcel. Pas mal safe, Marcel. Pas mal safe. Pas mal safe. Tu te trompes pas en disant ça. Mais ça ne dit pas grand-chose. La bonne et la mauvaise, c'est vrai. Oui, mais dans tous les mouvements religieux du monde, ils vont dire ceci. Ils vont vous dire qu'est-ce que vous devez faire pour entrer dans le royaume des cieux. Ils vont vous dire qu'est-ce que vous devez faire. J'ai demandé ça à bien du monde dans les mouvements religieux. Qu'est-ce que ton mouvement dans lequel tu es, toi, qu'est-ce qu'il dit de faire pour entrer dans le royaume des cieux? Et chacun a sa petite idée. Chacun a sa petite idée. Mais c'est toujours des choses que vous devez faire pour entrer dans le royaume des cieux. Il n'y a pas vraiment longtemps, à ma porte, j'ai demandé aux gens, qu'est-ce que je dois faire dans votre groupe? Si je vois dans votre groupe, qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans le royaume des cieux? On a dit, il faut que tu mettes en pratique les 10 commandements de Dieu. C'est ce qu'ils m'ont dit. Tu dois mettre en pratique les 10 commandements de Dieu. Ma deuxième question, c'était quoi? Est-ce que tu le fais, toi? J'étais bien honnête. Est-ce que tu le fais, toi? Est-ce que tu réussis à faire ça, toi? Il dit, j'essaie. J'essaie de le faire. Mais oui, il faisait partie de cette gang-là qu'ils essayent de faire des choses pour que Dieu leur accorde le royaume des cieux. Jésus, ici, ce qu'il va dire, ce qu'il dit du verset 1 jusqu'au verset 12, c'est une autre façon d'être béni. C'est d'une autre manière pour être béni par la part de Dieu. Il va changer la façon de penser des gens. Il va dire, non, c'est pas ça la réalité. Ceux qui vont être bénis, on a vu ensemble, c'est ceux qui sont quoi? Les premiers, c'était heureux les pauvres en esprit. Ceux qui sont des mendiants spirituels. Ceux qui ont rien à offrir à Dieu. Dieu dit, tu veux rentrer dans le royaume des cieux? Avoue que tu es un pauvre spirituel et que tu n'as rien à me donner. Hein? On n'aime pas ça dire ça. C'est la première chose qu'il dit. Deuxième chose, il dit, heureux les affligés. On a vu ça ensemble la semaine passée. Heureux ceux qui pleurent. Pas sur le fait qu'il y a trop de neige. Pas ça. Ils pleurent parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas corrects. Ils savent qu'ils sont des pécheurs. Ils savent qu'ils ne sont pas capables d'être parfaits pour atteindre le royaume des cieux. Ils savent qu'ils sont des gens qui sont pécheurs. Et ça les rend tristes. Jésus dit, si tu pleures sur ton état spirituel, je vais, moi, te consoler. Voyez-vous? Je vais te consoler, moi. Mais si tu dis que tu es correct, que tu es un bon gars, je ne vais jamais te consoler. Je ne te consolerai pas, tu es correct. C'est qui vous consolez, vous autres? C'est les gens qui pleurent, n'est-ce pas? Les gens qui pleurent pas, vous ne les consolez pas, j'espère que non. Il a dit ça la semaine passée. Si vous voulez en avoir plus, vous pouvez écouter le sermon la semaine passée. Il dit, heureux les humbles de cœur, ceux qui sont doux de cœur, ceux qui sont débonnaires. Le mot, c'est les humbles de cœur, c'est ceux qui se laissent diriger par Dieu. C'est les mots, c'est les doux, les débonnaires. C'est quelqu'un qui se laisse diriger. Dieu dit, tourne à droite et tourne à droite, tourne à gauche et tourne à gauche. C'est des gens qui veulent être dirigés. Ils ne savent pas. Quand quelqu'un arrête sur le bord du chemin, ça m'arrive assez régulièrement, je marche ou je fais mon jogging, là, quelqu'un qui arrête. Hey! Monsieur, monsieur, savez-vous où est-ce que c'est? Savez-vous où telle rue? Savez-vous où est-ce que c'est telle affaire? Ils sont en train de me dire quoi, là, même s'ils ne l'avouent pas? Ils sont écartés. Ils sont perdus, ils ne savent pas où ça va. Des fois, je ne sais pas plus, moi non plus. Je ne leur dis pas. Mais quand je le sais, je leur dis, madame, par là-bas, monsieur, par là-bas, tournez à votre droite, à votre gauche, c'est là. Ils sont ici. Puis là, ils vont le faire. Pourquoi ils vont le faire? Pourquoi là, ils vont faire ce que je dis? Même, avez-vous déjà fait ça? Moi, j'ai déjà fait demander de l'aide à Montréal. Par là, monsieur, par là, par là. Non, par là, là, je cherche encore. Par là, oh, par là, là, il te ramasse sur l'autre bord. Là, tu cours, hein, tu ne trouves pas, tu te perds. Il t'écarte plus que tu trouves. Pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi je fais tout ce qu'ils disent? Pourquoi? Je suis écarté. Je ne sais pas ce que je suis rendu. Et là, en étant écarté, on devient humble de cœur. On devient doux, on se laisse diriger. On ne sait pas ce qu'on s'en va. Dieu dit, si tu es un humble de cœur, si tu ne sais pas où est-ce que tu t'en vas, je vais te diriger. Voyez-vous? Mais ça, il faut l'avouer. Moi, j'avais un homme avec lequel je travaillais, il ne voulait jamais dire qu'il était écarté. Il était en auto, puis s'en allait. Je disais, je pense qu'on s'est écarté, là. Non, non! Non, non, ça va pas séparer par là. Non, non, je vais me retrouver. Non, non. Là, il virait en rond des fois, mon gars, pendant 10 ans. Il ne voulait pas arrêter sur le bord du chemin pour demander le chemin. Pour lui, c'était une humiliation épouvantable. Il ne voulait pas avouer qu'il était perdu. L'être humain, souvent, il fait la même erreur. L'être humain, il ne veut pas avouer qu'il est écarté. L'être humain ne veut pas avouer « je suis écarté ». Spirituellement, je parle, hein? Je ne sais pas ce que je m'en vais. Je ne sais plus qu'est-ce qui est vrai. Je ne sais plus qu'est-ce qui est faux. Je ne sais plus qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Dieu, dirige-moi. Dieu dit, je vais te bénir. Tu vas être heureux à cause de ça. Ça, c'est cette façon-là. Ensuite, il a dit, heureux les affamés et les assoiffés de justice. Ceux qui ont faim et soif de justice. Ils veulent de la justice. Ils ne chialent pas contre les autres qui sont injustes. Ils veulent de la justice dans sa vie à lui. Il a donc hâte d'être une personne juste. Il a faim, il a soif de justice dans sa propre vie. Et certainement dans la vie des autres aussi, c'est bien entendu. Mais il commence par lui. Par lui. Il sait qu'il est injuste. Jésus dit, si tu avoues que tu es un injuste, je vais moi te faire du bien. Je vais te rendre heureux. Mais tu dois l'avouer. Ensuite, au verset 7, il dit « Heureux les miséricordieux, ceux qui accordent la miséricorde. Ils ne jugent pas, ils ne condamnent pas, parce qu'eux autres, ils savent qu'ils ont besoin d'être jugés et condamnés. » Vous savez, quand que tu fais partie du problème, tu deviens bien moins dur pour les autres qui sont dans le problème aussi avec toi. Hein? Quand tu fais partie du problème, tu deviens très arrogant, très dur, très destructeur quand tu crois que c'est l'autre qui est le problème. Là, une espèce de ci, puis une espèce de ça, puis titi-tata, puis titi-tata, parce que c'est l'autre le problème. Mais si tu fais partie du problème et que tu le sais, tout d'un coup, tu deviens plus doux. Penses-tu qu'on pourrait se parler? Penses-tu qu'on pourrait faire ça? Peut-être que c'est une bonne solution. Puis là, on commence à être plus doux parce qu'on sait qu'on fait partie du problème. On devient miséricordieux quand on sent le besoin de miséricorde dans notre propre vie. Jésus le dit autrement, on va le voir un peu plus loin dans le chapitre 6. Tu vas pardonner autant que tu sais que tu as besoin d'être pardonné. Et vous? C'est la même vérité. Tu vas pardonner aux autres autant que tu crois avoir besoin d'être pardonné toi-même. Et je vous garantis, c'est une règle de mathématiques. Les mathématiques, j'aime ça. C'est une règle de mathématiques. Tu pardonnes deux parce que tu crois que tu as besoin d'être pardonné deux. Mais si tu as besoin d'être pardonné 100 fois, tu vas être plus facile à vouloir pardonner 100 fois. Parce que tu vas réagir. Mais on a de la misère à pardonner parce qu'on croit toujours que c'est les autres qui sont coupables et nous autres, on ne l'est pas. Donc on a de la misère à pardonner. Jésus dit, les miséricordieux, je vais leur faire du bien. Et après ça, on a vu au verset 8, les cœurs purs, ceux qui ont un cœur pas pur dans le sens qu'ils sont sans péché, parce qu'il n'y en aura aucun, c'est des cœurs purs dans le sens qu'ils sont attachés à Dieu seul, comme on l'a vu un petit peu ce matin, ils n'ont pas un pied en Égypte, puis un pied en Israël, ils ont les deux pieds dans le même camp, ils sont avec Dieu, et Dieu est leur seul Dieu, il n'y en a pas deux, ils ont un cœur pur dans ce sens-là. Ils n'ont pas un cœur, dans le grec, là, c'est un cœur qui serait double, le contraire, c'est un cœur double, un cœur qui est divisé. On va le voir dans le chapitre 6. Tu ne peux pas avoir deux dieux. Hein, il va le dire. Tu ne peux pas avoir deux dieux. Choisis quel dieu tu vas avoir dans ta vie. Tu ne peux pas en avoir deux. Tu ne peux pas en avoir deux. Donc, c'est ça que ça veut dire. C'est un cœur pur. Et aussi, au verset 9, on a vu « Heureux ceux qui procurent la paix. » Donc, ils ont été chercher la paix auprès de Dieu et ils veulent l'offrir aux autres. Ils procurent la paix. Et là, on est rendu au verset 10. C'est là qu'on était rendu la semaine passée. Verset 10. Et là, il va nous dire quelque chose que c'est pas quelque chose qu'on aime entendre. Jésus dit des choses ici qui contredisent. Ces choses-là contredisent tout ce qu'on aimerait entendre. Nous, on n'aimerait pas entendre heureux les affligés. On n'aime pas ça entendre heureux ceux qui sont doux, heureux ceux qui sont pauvres, heureux ceux qui sont. On n'aime pas ça entendre ça. On aimerait mieux entendre du positif. Regardez dans. Allez à la bibliothèque ici, là, en haut. Puis allez voir le rayon de la pensée positive. Il y a des longs. Des plus, beaucoup, beaucoup de livres. Allez voir sur un rayon de la pensée négative, voici, s'il y en a. Ça n'existe pas. Dans la pensée positive, ça, ça marche. On n'aime pas ça, les choses négatives. Parce que ça ne fait pas l'effet qu'on voudrait que ça nous fasse. 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outagera, qu'on vous persécutera, qu'on vous dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc ici, le texte dit « Heureux les persécutés, les outragés. » Oh! Nous, on aime mieux « Heureux les applaudis. » On aimerait mieux ça. Heureux ceux qui reçoivent des innovations. Innovations. Ceux qui se font mettre comme... Une ovation. Merci. Une ovation. Je n'ai pas reçu souvent, ça, je ne sais pas c'est quoi le mot. Non, non, non. C'est pas ça, là. Ça ne marche pas, là. C'est pas ça qu'on est en train d'étudier. Les persécutés. Mais les persécutés, ce n'est pas par vous. Je ne voudrais pas être persécuté par vous. Voyons, donc. C'est heureux ceux qui sont persécutés. Le mot persécuté, ça veut dire quoi dans votre tête? C'est quelqu'un qui nous fait du mal, il nous persécute. Ça peut être verbalement, ça peut être physiquement, ça peut être intellectuellement, ça peut être émotionnellement, ça peut être moralement, mais il vous fait du mal. Le mot outragé, c'est quelque chose qui nous fait du mal. Quelqu'un qui nous outrage, quelqu'un qui nous blesse. Là, j'ai dit heureux ces gens-là. Là, il faut bien trouver la bonne raison, parce que c'est pas... Heureux ceux qui sont persécutés parce qu'ils ont volé. C'est pas ça que ça dit. Ici, il parle au verset, c'est ça qui est le plus important, au verset 11, à la fin du verset 11. À cause de moi. Vous souffrez, vous êtes persécutés, vous êtes outragés, vous êtes rejetés, vous êtes diffamés, vous êtes, en tout cas, tous les mots que vous voulez. À cause de moi, à cause de Jésus, à cause de que vous êtes mes disciples, à cause que vous me suivez. À cause que vous voulez croire en moi, mais soyez-en heureux, il dit. Parce que votre récompense va être à la même dimension que la celle de Moïse, que la celle d'Abraham, que la celle de Salomon, que la celle de Daniel et d'Ézéchiel. Tous ces prophètes-là, ils disent allez avoir la même récompense qu'eux autres. Alors, c'est le temps d'applaudir, ça, c'est le temps. Dieu dit, si vous acceptez de souffrir pour moi, je vais vous bénir d'une façon que vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Il dit, c'est parce que quand Jésus prend la peine de dire, votre récompense sera grande. Vous ne pouvez jamais, je ne peux pas m'imaginer la grandeur que ça va avoir. Quand lui dit grand, là, c'est grand. C'est grand. Je pense que la grandeur de la récompense va être la grandeur de la personne de Dieu. Dieu est assez grand qu'il dit qu'il remplit tous les cieux sur la terre. Je crois que sa récompense va être aussi grande que ça. Mais il faut accepter de souffrir pour lui. Et si vous ne voulez pas souffrir pour moi, bien, vous n'aurez pas de récompense. Et vous remarquerez dans la vie de Jésus pendant ces 3 ans, il y a beaucoup plus de gens qui le quittent que les gens qui s'approchent de lui. Beaucoup, ils viennent voir Jésus. Beaucoup viennent. Beaucoup veulent être soignés, guéris. Beaucoup ils viennent par 10 000, ils viennent. Mais vous allez voir, si vous lisez bien, beaucoup s'en vont par la porte d'en arrière. Ils s'en vont, parce qu'ils ne veulent pas être persécutés au nom du Seigneur Jésus. Parce que Jésus était persécuté. Jésus, on l'a mis sur une croix. Ça dit tout. La société dans laquelle il a vécu, lui, pendant ses 33 ans, cette même société-là l'a pris, puis elle l'a mis sur une croix, puis elle dit, voici ce qu'on fait avec les gens qui ressemblent à cette personne-là. Les gens qui vont s'identifier de ce nom-là vont subir le même sort. Hein. Scotland Yard, la police anglaise, a sorti un rapport à un moment donné. 50 millions de gens étaient morts à cause qu'ils se proclamaient chrétiens. C'était déjà quelques-uns. Juste parce qu'il se proclamait chrétien. Et les Huguenots qu'on parle ici, les Huguenots qui étaient ici au Québec des années 1800, quelque chose, 1800, surtout des années 1800, ont été persécutés tellement fort qu'ils ont tous fui des États-Unis. Parce qu'on les tuait. Littéralement, on les tuait. On tirait dessus à coups de fusil. Parce qu'on ne voulait pas des protestants. Dans notre coin. On ne voulait pas protester. On les traitait d'hérétiques, on les outrageait, on les diffamait. Je me souviens une fois, j'ai rentré dans un village, je parlais avec un monsieur d'un certain âge. Il dit, François, je me souviens, quand j'étais jeune, il y avait un homme ici qui proclamait l'Évangile dans mon village. Et tout le village s'est mis ensemble. Tout le village a dit, on lui vend rien, on lui donne rien, il va falloir qu'il parte. Il est parti. C'est le cravate fait. Personne ne voulait lui donner à manger, personne ne voulait l'engager, personne ne voulait le faire travailler parce qu'il était pas, parce qu'il se proclamait chrétien. Il est parti. On l'a persécuté au nom du Seigneur Jésus. Pas parce qu'il volait, pas parce qu'il était un méchant bonhomme, pas parce qu'il laissait traîner ses affaires dans la rue, c'est parce qu'il était un chrétien. Jésus dit, ceux qui vont être persécutés à cause de mon nom, je ne vous dis pas, faites exprès pour vous faire persécuter, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais quand vous vivez votre vie chrétienne, là où vous êtes, à la maison, au travail, à l'école, n'importe où ce que vous êtes, si vous vivez votre vie chrétienne, ça se pourrait peut-être que des gens se moquent de vous, rient de vous, ça se peut peut-être qu'ils vous tassent, vous enlèvent un emploi, ça se peut, ça arrive, ça. Je pourrais vous donner des exemples de gens que j'ai connus qui ont perdu leur foyer, perdu leur logement, perdu leur job parce qu'ils étaient chrétiens. Des gens ont été rejetés, des femmes ont été poussées de côté par leur mari, des maris ont été poussés de côté par leur femme, ont été divorcés parce qu'ils étaient chrétiens. Il y a toutes sortes de choses qui leur sont arrivées parce qu'ils se proclamaient à être chrétiens. Pas baveux, là. Chrétien. Jésus l'a dit ici. Jésus le savait. On va le voir un peu plus loin. Il vous dit, ils vont vous traiter de la même façon qu'ils m'ont traité. Vont vous traiter de la même façon qu'ils m'ont traité. Et moi, ils m'ont persécuté, ils m'ont rejeté. Si vous êtes mes disciples et que vous me suivez, ça se peut bien qu'ils vous rejettent aussi. Heureux les persécutés. Donc, Jésus est en train de leur dire, il y a une nouvelle façon d'être heureux. Une nouvelle façon d'être, de recevoir la bénédiction de Dieu. dans le mouvement des Juifs, c'était si tu es un bon gars, si tu ne fais pas de mal à personne, si tu fais du bien, Dieu va te bénir. C'est ça qui était la croyance. Jésus dit non, non, non, non. Si tu t'humilies, si tu avoues que tu es un pécheur, si tu avoues que tu es un pauvre spirituel, si tu pleures sur ton état spirituel, si tu es un miséricordieux, si tu es persécuté pour moi, je vais te bénir. Ah! Ça changeait la façon de voir les choses. Ça changeait beaucoup la façon de voir les choses. Beaucoup. Et ce matin, on va en avoir une deuxième règle, une deuxième façon de voir le royaume des cieux, verset 13 jusqu'au verset 16. 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Votre lumière, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils vous voient, qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc Jésus ici va comparer l'être humain à deux choses, à du sel et à de la lumière. Qui utilise du sel ici? Levez votre main là. Qui utilise du sel ici? Parce que tout le monde en prend du sel. Hein? Vous allez dans toutes les maisons québécoises et pas probablement vous allez trouver du sel. Du gros sel, du petit sel, du sel, en tout cas biologique, du sel de mer. Il y a toutes sortes de sel aujourd'hui. Mais tout le monde a du sel. Qu'est-ce que vous faites avec du sel? Vous salez. Mais pourquoi vous salez? Donnez du goût. Et là, vous en mettez un petit peu. Et là, vous goûtez. Pas assez de sel. Ah, tu goûtes? Ah, par contre. Et plus vous aimez le sel, plus vous en mettez. Mais là, tout d'un coup, si vous dites, ça fait de la salière, elle est toute vidée dans le plat, mais ça n'a pas de goût. Ça n'a pas changé le goût de la salade. Ou du steak, ou des patates. Vous faites quoi? Vous allez chercher d'autres sels. Il dit, mon sel est plus bon. Je laisse en poubelle et prends d'autres sels. Là, vous en mettez. Ah, là, ça marche. Du sel, c'est fait pour donner du goût. Si ça ne donne plus de goût, on le jette à la poubelle. Et on prend d'autres sels. On a déjà essayé du sel de mer. J'aimais pas le goût. Il y a toutes sortes de sel. Ça marche. Du sel, ça fait donner du goût. Si ça ne donne pas de goût, on le met de côté. Ici, il dit, il jette ça dehors. Et qu'est-ce que ça fait? Vous avez déjà fait ça, hein? Dans les rangs de campagne, ils vont mettre du sel l'été pour faire quoi? Pour arrêter la poussière. Ils ne jouent plus le rôle de sel, ils vont jouer le rôle d'anti-poussière. Là, ils parlent de la lumière. Pourquoi vous allumez la lumière? Parce qu'il fait noir. Vous ne voyez pas bien. Vous mettez de la lumière. Ah, ouais, on voit clair. Ça serait fou, le gars qui dirait, il allume une chandelle, puis là, il met une chandelle par-dessus. Vous voyez quelqu'un faire ça? Vous ferez comme Michel, vous partirez à rire. Fou un peu. Vous allumez de la lumière, pourquoi? Pour la mettre sur la table, ou sur un boisseau, ou pas un boisseau, mais un bureau, ou à quelque part. Vous la mettez aussi haut que possible pour que ça l'éclaire toute la chambre. Vous allumez une lumière pour que vous voient ce qui se passe autour. Là, il dit quoi? Il dit ici, vous êtes le sel, vous êtes la lumière. Mais qui il parle? Les chrétiens? Il parle de l'être humain. L'être humain a été créé pour être le sel et la lumière du monde. Et elle ne veut plus le faire. L'être humain ne veut plus donner le goût que Dieu voudrait qu'il donne. L'être humain ne veut plus éclairer comme Dieu voudrait qu'il éclaire. Il dit, je veux que vous ayez du goût, et je veux que vous soyez de la lumière pour une raison. C'est quoi la raison qu'il donne? Afin que les gens qui vous côtoient tous les jours puissent glorifier Dieu. Pas vous, pas moi, Dieu. Il dit, dans le royaume des cieux, il y a une nouvelle règle. Tu ne fais pas les choses pour que les gens te voient. Tu fais tes bonnes œuvres pour que les gens voient Dieu. Tu as été créé pour que les gens voient Dieu en te regardant. Et on dit dans Romains, hein, chapitre 1, que on regarde la nature au milieu de nous, puis on voit quoi? On est supposé voir Dieu en regardant la nature. Mais je vais vous donner un secret. Vous faites partie de la nature. Vous faites partie de la création de Dieu, moi aussi. Et donc, on est supposé être quelqu'un par sa façon de parler, sa façon de vivre, sa façon d'agir. On est supposé d'amener les gens à glorifier Dieu. Je vous garantis, si vous m'aviez connu dans les premiers 26 ans de ma vie, il n'y a personne qui aurait vu Dieu en regardant François vivre. Personne n'aurait entendu parler de Jésus, accepté quand j'étais à mauvaise humeur par mes vaches. Là, vous entendez parler de Jésus de temps en temps. Vous savez ce que je veux dire. Mais les gens qui me côtoyaient avant l'âge de 26 ans, ils venaient à la conviction. J'essayais de les convaincre que Dieu n'existait pas. J'étais un athée. Dieu était responsable de tous les malheurs s'il existait. Et si quelqu'un m'aurait côtoyé assez longtemps, il aurait fini par détester Dieu comme moi. Parce que je détestais Dieu. Je ne vois plus mon rôle de sel. Je ne vois plus mon rôle de lumière. Mais il dit, dans le royaume des cieux, ceux qui vont en faire partie vont faire des œuvres pas pour gagner leur ciel. Pas pour gagner leur ciel qu'ils vont faire des bonnes œuvres. Ils ne vont pas faire des bonnes œuvres pour que les gens les aiment. Ils ne vont pas faire des bonnes œuvres afin qu'on fasse des ovations. Je l'apprends. Ovations. Ils ne vont pas faire des bonnes œuvres afin que les gens puissent dire, « Ah, ça, c'est un bon gars. As-tu vu comment il est gentil, ce gars-là? » C'est pas ça qu'ils cherchent. Ils veulent que les gens voient Dieu. Il dit, faites vos bonnes œuvres afin qu'ils glorifient Dieu. Quand on a fini de faire une bonne œuvre, je vous encourage à le faire. Lisez les évangiles. Vous remarquerez, Jésus fait un paquet d'affaires fantastiques, merveilleuses. Vous remarquerez qu'est-ce que les gens font. Et ils glorifièrent Dieu. Jamais Jésus. Jésus avait la capacité de tourner le regard des gens vers Dieu et non pas vers lui. Fantastique. Merveilleux. Merveilleux. Nous autres, si nous applaudissent pas assez fort, on chiale. On critique. On n'est pas de bonne humeur. Mais faites ça tout le temps pour lui, puis il est même pas reconnaissant. Mais oui, c'est ça qu'on fait. On chiale parce qu'on l'a fait pour que les gens nous aiment, pour que les gens nous donnent du respect. On l'a fait pour nous autres. Et Dieu dit, Jésus avait la capacité, même s'il était Dieu fait chair, il avait la capacité de faire de quoi? De faire un miracle, de prêcher, de parler. Et quand il avait fini, les gens disaient, glorifiez Dieu. Il ne disait pas, Jésus spécial. Non, il glorifiait Dieu. C'est ça qui devrait arriver quand nous, on fait les choses. Si on avait le tour un peu plus, quand on fait les choses pour que les gens puissent dire « Ton Dieu est grand, ton Dieu est merveilleux. » Au lieu de nous dire « T'es un bon gars. Ah, t'es un bon gars. » Fait qu'à quelque part, mes frères et sœurs, à quelque part, il faut leur dire que c'est pas nous qui le faisons. Il faut leur dire à quelque part que c'est Dieu qui fait ça. À quelque part, il faut leur dire « C'est Dieu qui m'aide. » Je me souviens toujours une fois, j'étais dans la famille à Denise, puis, j'avais arrêté de fumer. Puis une femme m'a dit, « Ah, t'as de la volonté! T'as de la volonté, François! » J'ai dit, « Non. Non, j'ai essayé pendant 26 ans, je vais arrêter. » Mais il dit, « Par la grâce de Dieu, si Dieu peut m'aider, je vais arrêter. » On tourne les regards vers Dieu. Autant que possible. On leur dit, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui fait ça. » Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui fait ça. Ce n'est pas Dieu m'a donné la capacité, mais je le remercie que lui l'a fait. Ce n'est pas moi qui étais tout d'un coup spécial. Il dit, dans le royaume des cieux, les gens vont avoir une nouvelle façon d'être heureux. Dans le royaume des cieux, il va avoir une nouvelle raison de vivre. Les gens vivront pas pour eux, ils vont vivre pour Dieu. Si tu veux pas vivre pour que Dieu paraisse, tu feras jamais partie du royaume des cieux. Une lumière, quand vous arrivez dans un musée, avez-vous déjà visité des musées? Vous rentrez dans un musée, il y a des tableaux comme ça. Il y a des petites lumières au-dessus, la part du temps. Hein? Petite lumière. Et la petite lumière est allumée. Est-ce que vous regardez la lumière ou le tableau? Oh, quelle belle lumière! Mais non, on ne dit pas ça. Tu fais ça, ils vont t'arrêter, ils vont t'emmener ailleurs. Mais tu vas dire, quel beau tableau! Nous, on est juste une lumière. On est la lumière, on n'est pas le tableau. Juste la lumière. C'est-à-dire que les gens devraient dire, tu as un grand Dieu, ton Dieu est grand, ton Dieu est bon. Ça devrait être notre rêve, qu'à la fin de la journée, les gens disent, ton Dieu est grand. Ton Dieu est merveilleux. Et quand vous prêchez l'Évangile, mes frères et sœurs, c'est la plus belle façon d'être une lumière. Vous dites aux gens, Dieu est bon, Dieu a envoyé son Fils pour moi, Dieu m'a sauvé, j'étais un pécheur, il est venu me sauver, il est venu me pardonner, Dieu est tellement bon, Dieu m'a fait tellement de bien. Là, vous êtes une lumière à 100%. C'est souvent là qu'on est la meilleure lumière. On tente de dire aux gens, je ne suis pas bon, je suis un pécheur, mais Dieu m'a sauvé. Lui, il est bon. Lui, il est bon. On a encore quelques minutes. Verset 17, on va commencer là. Une nouvelle façon d'interpréter la loi. Une nouvelle façon de comprendre la loi, les 10 commandements de Dieu. Les 10 commandements, c'est le résumé de la loi. Hein? C'est un résumé. Il dit, Jésus, les pharisiens, là, arrivés aux côtés d'un pharisien dans ce temps-là, ils auraient dit aux pharisiens, nomme-moi les 10 commandements de Dieu. Zou! Ils auraient tout nommé par cœur, ben vite. Zou! Ils ne connaissaient pas cœur. Puis ils ne connaissaient pas juste les 10 commandements, ils connaissaient un paquet d'affaires par cœur. Ce que j'ai appris, c'est pas marqué dans la Bible, ce que j'ai appris, dès l'âge de 12 ans, quand les enfants apprenaient à lire, ils apprenaient à lire la loi. Ils apprenaient à lire la Bible, si on prenait ça comme ça. Et le rêve de tout juif, c'était de connaître la loi par cœur. Connaître la loi par cœur. C'est pas parce qu'il ne connaissait pas, mais il la comprenait pas comme il faut. Donc Jésus dit, je vais vous donner une autre façon d'interpréter la loi. Verset 17 qu'on est rendu. Ne croyez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. C'est quoi un iota? C'est un petit point. C'est un petit point. C'est le plus petit signe orthographique de l'alphabet hébraïque. Ça veut dire que Jésus dit, nous on dirait, il n'y a pas un point, il n'y a pas un accent, pas une virgule qui va disparaître du texte. Okay? C'est ça que tu es en train de dire. Ou un seul trait de lettre, une basse, un T, hein? Jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc Jésus commence par leur dire, je suis le nouveau roi, mais je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, la loi. Pas venu pour l'abolir. Pas venu pour l'abolir. Je suis venu pour l'accomplir. Et là, il y a différentes nuances. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Accomplir la loi. Qu'est-ce que Jésus voulait dire quand il dit à ces gens-là, je suis venu l'accomplir, la loi? Il y a deux ou trois peut-être interprétations qu'on peut donner et on peut les mettre ensemble. Je ne sais pas si ce serait correct de les mettre ensemble. Premièrement, est-ce que Jésus a accompli toute la loi? Dans le sens, est-ce qu'il a fait les 10 commandements de Dieu, lui? Oui. Est-ce qu'il a déjà manqué? Non, jamais manqué. Il a fait les 10 commandements, il a accompli toute la loi. Même quand il est devenu un adulte juif, il a fait la loi. Il allait au temple, il allait faire les sacrifices, il allait célébrer la Pâque. Lui, tout faisait la parce qu'il a dit lui-même à ses disciples à un moment donné, allez préparer la Pâque. Donc, il a fait la loi. Il a accompli la loi telle qu'elle devait être accomplie. Il a accompli toute la loi. Et je suis assez audacieux pour dire qu'il est le seul qui l'a tout accompli. Les autres sont comme vous et moi. Ils ont essayé. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont essayé du mieux qu'ils pouvaient. Mais ils ne l'ont pas fait. Jésus est le seul qui a réussi à la faire. J'ai accompli la loi. Ça peut, on pourrait donner ce sens-là aussi. La loi et les prophètes. Là, c'est, ça comprend tout l'Ancien Testament. J'ai accompli tout ce que Dieu demandait. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Il est le seul qui peut prétendre à ça. Le seul. Aucun autre saint, aucun autre personne, aucun autre personnage aussi illustre qu'il pourrait l'être, ils l'ont pas fait. Ils ont essayé. Ils ne l'ont pas fait. Une autre façon, c'est que il a accompli la loi dans le sens que la loi disait que si tu avais péché, tu devais offrir un sacrifice pour tes péchés. Hein? Vous avez lu l'Ancien Testament assez pour savoir ça. Si tu avais fait des péchés, tu allais au temple et tu amenais ton agneau ou ta brebis et tu la sacrifiais pour le pardon de tes péchés. C'était une image de ce que Jésus t'a pour faire. C'était une illustration de ce que Jésus t'a pour faire dans le futur. Jésus dit, je vais accomplir la loi aussi parce que je vais prendre vos péchés et je vais devenir le sacrifice. Je vais m'offrir en sacrifice. Parce que Jésus, en tant qu'être humain, ne devait pas avoir besoin de sacrifice pour lui. Donc il dit, j'ai accompli toute la loi, tout ce que Dieu a demandé, je l'ai fait à 100%. Je n'ai pas besoin de mourir, parce que la loi disait, si tu ne fais pas ce que Dieu a dit, tu mérites la mort. Et la preuve est faite, dans 100 ans, si je reviens dans la salle ici, il n'y a pas personne d'entre vous qui va être là. Vous allez tous mourir. C'est la conséquence du péché. Nous avons péché, Dieu dit, à cause de ce que tu as péché, tu mérites la mort. La mort physique et la mort spirituelle. Jésus dit, la loi exige ça. Je vais l'accomplir, moi. Je vais accomplir la loi. Je ne suis pas venu pour l'abolir. Je ne suis pas venu pour la changer. Je ne suis pas venu pour la mettre, l'adapter à la société 2008 de Mont-Tremblant. Parce qu'on a tendance à faire ça dans la religion. On adapte la religion à la société. Il faut bien que la religion change, la société change. Vous avez déjà entendu ça? Jésus dit, je ne suis pas venu changer la loi, moi, là. Je ne suis pas venu adapter la loi pour que la vie soit plus facile pour vous autres, là. Je ne suis pas venu changer la loi sur la sexualité, je ne suis pas venu changer la loi sur le mariage, je ne suis pas venu changer la loi sur le vol, je ne suis pas venu changer la loi pour vous faciliter la vie. Je suis venu l'accomplir, cette loi-là. Je l'ai faite à 100%, mais je vais prendre votre place. La loi exige la mort, donc je vais prendre vos péchés et je vais mourir pour vous autres. Je vais offrir un sacrifice pour vos péchés, donc j'ai accompli la loi. Il accomplit la loi à 100%. Parce que étant le remplaçant de la race humaine, étant celui qui vient être celui qui va prendre la place du pécheur, il faut qu'il accomplisse la loi. Et la loi exigeait un sacrifice parfait. Jésus dit, je vais être, moi, ce sacrifice-là. Donc, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir la loi. Jésus est le seul être humain, parce qu'il était bien humain, il était un humain pareil comme vous et moi. Il mangeait, il buvait, il se reposait. Il était fatigué, on le voit tout dans la Bible, il faisait tout. Il était un être humain. Un être humain qui avait dit, je suis le seul. Il aurait pu monter sur un piédestal et dire, je suis le seul qui ne mérite pas de mourir ici, là. Je suis le seul, je n'ai jamais péché contre Dieu. J'ai toujours fait toute la loi. C'était vrai. C'était vrai. Si vous en rencontrez un autre de même qui fait cette prétention-là, tassez-vous un petit peu, allez-vous un petit peu plus loin. Il est le seul qui a fait ça. Donc, étant le seul parfait, il va prendre la place des imparfaits que nous sommes et il va mourir pour nous. Il accomplit la loi. Parce que si vous essayez de faire la loi pour vous sauver, vous êtes condamné avant de commencer. Vous ne réussirez pas. Tout ce que vous allez essayer de faire, c'est comme les autres, vous allez essayer le mieux que vous pouvez, mais vous ne réussirez pas. Et si vous ne réussissez pas, vous mourrez. C'est pareil que si je mettais un trou de 30 pieds, un précipice une crevasse, une banquise, et il dit, parce qu'il y a un ours qui s'en vient derrière, un ours polaire, là, pour sauver ta vie, il faut que tu sautes l'autre bord. Il ne faut pas que tu tombes dans le précipice. Et je vais faire de mon mieux. Je vais essayer, on fait de mon mieux. Puis tu cours, puis tu sautes, tu fais de ton mieux. Si tu ne te rends pas l'autre bord, tu meurs. Tu tombes dans le trou. Ceux qui essayent de mettre en pratique la loi pour être sauvés, ils finissent tous par tomber dans le trou. Ils essayent, mais ils ne réussissent pas sans l'autre bord. Pourquoi tant essayer au lieu d'accepter que Jésus a sauté pour nous. Il a sauté l'autre bord pour nous. Puis il dit, même, je suis tellement bon. Pognez-vous tout après moi, je vais sauter, puis vous allez tous sauter avec moi l'autre bord. T'embarques sur le dos de Jésus, puis il saute par-dessus le trou. Il t'emmène l'autre bord. Et puis ça, quand on arrive l'autre bord, on dit, merci Seigneur. On ne dit pas, ah, j'étais un bon gars. On dit, merci Seigneur. Merci Seigneur. Accomplir la loi. Regardez au verset 19, l'erreur que l'être humain a faite. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. S'il dit, vous ressemblez aux pharisiens et aux scribes, qui étaient les docteurs de la loi, qui étaient les prêtres du temps. Il dit, si vous faites comme eux, parce que les autres avaient changé la loi, les autres l'avaient adoptée. Quand on lit les évangiles, on voit que Jésus leur dit, ah ah, vous avez changé ça dans la loi. Ah ah, vous avez changé ça dans la loi. Ah ah, vous avez changé ça dans la loi. Ah, la Bible a dit ça, mais vous avez changé ça. Les êtres humains, les religions dans le monde ont tendance à changer la loi de Dieu. Ils veulent l'améliorer ou l'amplifier. Des fois, ils la mettent plus dure qu'elle est. Des fois, vous allez étudier certains mouvements religieux, ils sont plus durs que Dieu. Ils n'ont aucune pitié. Des fois, ils sont tellement plus mous que Dieu. Ils permettent tout. Ah, oh, c'est plus grave, l'enfer n'existe pas, on s'en va tout au ciel, mais qu'on meurt. Il change la loi de Dieu. Dieu dit, si tu fais ça, tu ne rentreras pas dans le royaume des cieux. Si tu changes quoi que ce soit que j'ai dit, tu ne rentreras pas dans le royaume des cieux. Mais il dit, si tu, toi, le fais, et que tu encourages les gens à le faire, alors, ta récompense va être grande dans les cieux. La loi ne disait pas de dire aux gens, Dieu exige la perfection, c'est fini, si tu ne l'as pas, tu meurs. Non, Dieu demande la perfection, mais si tu ne réussis pas à le faire, voici une manière de pallier à ça. Il demande la perfection, Dieu ne peut pas demander moins que la perfection, il demande la perfection, mais il dit, si tu ne réussis pas, tu peux offrir un sacrifice pour tes péchés. Donc je te demande de sauter deux pieds de haut, tu n'es pas capable, offre un sacrifice à la place. Tu n'es pas capable d'être parfait, tu n'es pas capable de faire les 10 commandements de Dieu. C'est ce qu'on a fait ce matin. En prenant le repas du Seigneur, on dit, je ne suis pas capable de sauter 10 pieds, je ne suis pas capable de sauter par-dessus le trou, mais j'accepte que Jésus a sauté pour moi. C'est ça qu'on est en train de dire. J'accepte que quelqu'un a accompli la loi. Lui a accompli la loi pour moi. Donc moi, je n'ai pas besoin d'accomplir la loi pour faire partie du royaume des cieux. Lui, il l'a accompli pour moi. Il dit, dans le royaume des cieux, c'est une nouvelle façon d'interpréter la loi. C'est que tu n'essayes pas de mettre ça en pratique pour que Dieu t'accepte. Parce que tu n'y arriveras pas. Mais tu te confies dans celui qui a accompli la loi. Tu accomplis. Soit tu essaies de le faire toi-même, mais non, tu acceptes que quelqu'un d'autre le fait à ta place. Il y a juste ces deux choix-là, il n'y a pas d'autre choix. Si tu essaies de le faire toi-même, tu ne réussiras pas, tu n'es pas meilleur que personne d'autre, je ne suis pas meilleur que personne d'autre, vous ne réussirez pas. Mais si j'accepte que quelqu'un d'autre le fait à ma place, ça me sauve, ça m'amène jusqu'au ciel. Hein. Ma récompense va être grande dans le royaume des cieux. Pas parce que j'ai été bon, c'est parce que je me suis confié dans quelqu'un d'autre. On continuera la semaine prochaine, nous allons prier ensemble sur le bien. Notre Père du ciel, nous te remercions, tu es un grand Dieu. On te remercie, Seigneur Jésus, que tu nous as dit la vérité. Tu n'es pas le genre à cacher. Tu n'es pas le genre à changer. Tu n'es pas le genre à vouloir amoindrir les choses pour plaire aux gens. Mais tu as accompli la loi pour nous. Oh, Seigneur Jésus, nous t'admirons. Nous t'aimons. Nous te bénissons pour ça. Tu as accompli toute la loi afin de pouvoir nous sauver. Nous sommes de ceux qui ne veulent pas changer la loi. On ne veut pas changer quoi que ce soit que tu dis. Et on veut même encourager les gens à faire de même, à l'accepter la Bible telle qu'elle est, sans la changer. Et jusqu'au moment que le Seigneur Jésus, c'est notre Sauveur. Seigneur, cette semaine, nous allons côtoyer des gens qui ne te connaissent pas. des gens qui ne jouent plus le rôle de sel et de lumière. Donne-nous la grâce de les aider autant qu'on peut. Donne-nous la grâce de les aider à venir à toi. Donne-nous la grâce de leur faire du bien, non pas parce qu'on est meilleur qu'eux, mais parce que toi, tu es le meilleur. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus. Amen. On va chanter un dernier petit cantique, si vous voulez bien. Car ta bonté vaut mieux que la vie.